commencerai par sévère. Ta gueule quand je prépare mes femmes. Bien sûr qu'on persévère, n'est des hommes élevés par des femmes. Si tes fonds vont faire de beaux rêves, j'arrive coup de pompe dans la porte. Dans mes yeux, t'es fait de forêt, j'arrive au parleur dans la peau. Je gamberge pour me sortir de la merde, quand sur mes bras ma tête. Pourquoi se ranger sa mère si de mal à scène est dramatique? J'ai pas de réussite sans casse, par jour je découpe 115. Prod, je te parle pas de mon corps, hein, si je te parle de mon groupe 115. Si tu sens la rage qui me bouffe, je mords à la prod comme un pitbull. J'abuse en fin de soirée, votre carré de boule, on tient plus de boule. J'ai pris le bon train, je m'arrache de l'art. T'as compris, je rappe la rage de vaincre, ouais, je me barre à la nage de l'arche. Mets ton casque, roule un gros 20 grammes. Faut grimper un qu'on gratte, peu importe l'heure. Vesquit tout ce qui se contraste, ça porte plein, tout ça te porte l'œil. J'emmerde les modes, les normes, un énorme doigt pour les ordres. Dis-moi où se trouve la porte de sortie quand on sent si loin tes hommes. 3h du matin, zone, la ciel tête au sol. On parle seul quand on est saoul, on se fait du mal aux autres. Y'a peu de conseils dans les nuits blanches, j'ai des plans là, faut que j'en cherche. Peu de confiance en ces vieux planches, nécro, y'a peu de gens chers. J'mène ma vie et ce putain de combat des terres, plus j'encaisse les coups. Chaque fois que j'perds un seul comeback, mon pote remet mon texte et coupe. Hein, remets mon texte et coupe, passe le message. Hein, c'est du message à la prod, passe le message à la proc. La chronique passe le message. 96, hein, 96 frère, Benny, Will, Messa, hey. 96, je débarque sur terre, petit à vrai, aux yeux bien révulsés. Qui aurait cru que la vie ferait de moi, cet homme s'est révolté. Moi, j'ouvre les yeux et pour l'amour, c'est juste un clé qu'on perd. C'est monnaie comptant, on s'est juré qu'on serait tous des bons pères. La vie a fait de nous ce qu'on est devenu, entre les hommes et les femmes, entre l'avarice et l'état, ça devient hyper dur. J'ai très vite compris que le bonheur ce n'était pas pour moi, qu'on mènerait pas le même combat, qu'on finirait tous sous un drap. 96, je débarque sur terre, petit à vrai, aux cheveux frisés. Un père, une mère qui s'aime, une âme de plus pour mieux se mettre. Comment se douter que la peine avait posé son pacte, ou qu'on a géré sans tact. La vie nous laisserait autant de marques. On est la bâche, c'est près de la noyade. Une baisse sur un lit de paillasse. Baisse la vite la vie, la route est crade. Et se met de cadavres aussi. Aurais-je lâché l'affaire ou j'aurais graillé la fève. Là où les âmes se perdent en plein délire, j'ai contourné la brèche. L'amour sourit brièvement, une étreinte, une fissale. Un tarbin, un bruit de balle, on s'enlève la vie bêtement. Finalement je suis bon qu'à ça, rappelle-toi des bras cassés. Rappelle-toi des grands fâchés, des couilles depuis le bac à sable. Et je comparais devant vous, mais j'ai rien à prouver moi. On a pris le soleil dans le fou. Et on a vécu pire, c'est moi. Un premier joint pour errer, voilà. On fera tout pour être fire. Quitter ce temps maudit, un dernier texte en guise de voyage.